طيب لي فير لي سا سي لو حروف كي كوا كي بيرميت دو ميت لو فيرب او فيتور par exemple tu dis ça افعل ça اذهب سوف اذهب سوف افعل donc ces deux حروف le sin et سوف ne rentre que sur le fial donc si tu vois ces deux lettres là qui ont dans un mot ce mot là sache que c'est un verbe également le verbe tu peux le connaître par quoi par le damir متصل à la fin tu ta ti tum ainsi de suite quand tu vois ce damir là qui accroche à un mot sache que ce mot là c'est un verbe et ils ont d'autres signes c'est-à-dire ils ont d'autres signes ceux là c'est les plus connus également le fil mudari parmi ces signes c'est que il commence par les huruf mudari'a comme par exemple adhab il commence par un hamza ou nadhab il commence par un nun ou yadhab il commence par un ya ou tadhab il commence par un ta et le harf tout simplement son signe ce signe au harf c'est qu'il n'accepte pas les signes du ism du nom ni ceux du verbe il prend pas d'alif ou lam ni code ni harf ou jar ni rien du tout c'est ça en fait la différence qu'il y a entre eux. Inch'Allah, le sujet sera plus étendu dans le Jurumiya Inch'Allah, si on le fera un jour. Bon, maintenant on dit quoi donc on va pouvoir faire Inch'Allah cet exercice là le ashir du ders hadi 20 il dit quoi ayin al ism wal fi'l wal harf fi ma yali donc désigne le nom et le verbe et le harf dans ce qui dans les phrases qui suivent donc la jumla oula kharaja al mudarris wa al tullab min al fasl donc vas-y appelle mot par mot dis-moi que kharaja al fi'l n'am wal mudarris wa al tullab هم اسماء ايوه واو اللي كو واو اوفر لي دو واو هو ما حرف حرف نعم من حرف نعم فصل اسم احسنت ثانيا ساذهب للمكتبه بعد الدرس je vais aller à la bibliothèque après le cours سين نعم حرف نعم اذهب فعل الى حرف مكتبه اسم بعد حرف سان عطف لا سان كوا سان ظرف ان ظرف بلوتو ان ظرف ظرف سي كوا ظرف ما مكان لا ما سان ظرف زمان لا ما سان ظرف بعد دونك الظرف سان اسم الظروف اللي اسمها نعم الدرس الدرس نعم نعم اسم ثالثا أفهمت الدرس يا علي نعم فهمته as-tu compris le cours oh Ali il dit oui je l'ai compris oui j'ai compris تفضل حرف الاستفهام نعم فهمت فعل درس اسم et le tout فهمت tout c'est quoi فهمت نعم c'est quoi tout ça حرف aussi attends c'est un C'est le fa'il. Fahimtu. Aïwa. C'est le fa'il. C'est quoi? C'est un damir. Le damir, c'est quoi? Le damir, c'est quoi? C'est des. Asma. C'est des asma. Aïwa. Donc tout, c'est un ism. Tout, c'est un ism. Le damir, c'est des asma. Nam. Adarsa. Ism. Nam. Ya. Ça harf. Nam. Harf nida. Aliyu. واسم نعم انعم حرف نعم فهم فعل وتو اسم نعم ضمير et aussi un tambih c'est que malgré que on ait cité ces signes pour ces mots là pour le ism ou le fi'l ou le harf ça veut pas dire que tu es obligé de trouver un de ces signes tu comprends ce que je veux dire par exemple tu peux voir un mot il regroupe pas les signes ou tu peux voir un mot il va regrouper plusieurs signes différents. Le fait que tu vois pas le signe ne veut pas dire que c'est pas... C'est, par exemple, le fait que tu vois pas un harf jar, ça veut pas dire que c'est pas un ism. Le fait que tu vois pas un signe devant un mot, ça veut pas dire que c'est pas un verbe. Ça, c'est des choses qui t'aident, mais c'est pas obligatoire qu'elles soient présentes. Mais souvent, tu les trouves. Souvent, tu les trouves. Par exemple, un ism, tu vas retrouver un lif ou lem, ou un tanwin en général. À part peut-être un ism amnon et sarf. Ou un mudaf. Mais sinon, tu vas trouver l'un des deux. Tu vois, tu vas trouver l'un des deux. نعم طيب رابعا لا تكتب بالقلم الاحمر نكري با ستيلو روج لا حرف تكتب فعل ب يعني باء